Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Résister, collaborer ou tout simplement survivre, la vie quotidienne sous l'occupation. Il est question de zones occupées, de zones non occupées, de lignes de démarcation, de bâtiments réquisitionnés. C'est le paradoxe de l'occupation allemande en France pendant la Seconde Guerre mondiale, imposer sa présence et la rendre visible, mais dans le même temps affirmer que la vie continue presque comme avant, les cinémas sont ouverts, les théâtres, les restaurants aussi. Mais pour quel film, quel spectacle et quel menu, la radio aussi continue à diffuser, mais pour quel programme ? Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Radio Paris, Radio Paris est allemand. Évidemment, c'est la BBC qui s'attaque à la radio de propagande Radio Paris. Bonjour Bénédicte Vergès-Chaignon. Bonjour. Peut-on dire que l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale passait partout dans toute la France ? Alors, géographiquement, c'est dans les 3/5 de la France au début, puis ce sera dans toute la France à partir de la fin de l'année 1942. Mais en dehors de la présence physique de l'occupant, il y a tout ce qui va avec. Les ordonnances allemandes, les interdictions, les contrôles et cette présence obsessionnelle qui se glisse dans la vie quotidienne, ne serait-ce que à cause des pénuries, puisqu'on accuse à juste titre en grande partie les Allemands d'être responsables de l'absence de ravitaillement, de l'absence de tout d'ailleurs en France. Dans ce que vous venez de dire, il y a cette idée qu'avec la pénurie, tout le monde peut se rendre compte à un moment ou un autre qu'il y a occupation. C'est important de le dire parce que sur la géographie de l'occupation, la situation n'est pas la même si l'on se trouve à Paris, dans une autre ville, ou alors perdu dans la campagne. C'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose, mais en fait, l'occupation, elle se fait même sentir en zone libre, à cause du courrier, à cause de l'absence de communication, à cause des séparations dans les familles, des séparations entre zones, puisqu'il faudra plusieurs années avant de pouvoir circuler à peu près librement. Et puis la séparation avec les prisonniers de guerre, hein, quand même plus d'1,5 million d'hommes retenus en Allemagne. Avec ce voyage à travers la France occupée, c'est le titre de votre ouvrage, Cécile Desprairies. Bonjour. Bonjour. Je vous pose la même question. Vous avez travaillé sur cette France occupée. Vous avez vu des degrés d'occupation différents. Oui. Moi, je trouve que l'occupant et l'occupé travaillent, vivent beaucoup plus ensemble qu'on ne le dit. Ils partagent des repas, ils se retrouvent au café, ils se côtoient, ils se retrouvent au restaurant, et ils sont enterrés dans le même, au même endroit. Il y a des carrés allemands dans des cimetières, et ils ont des relations entre eux. Il y a entre 300 000 et 400 000 enfants qui vont naître des relations franco-allemandes. Et je voudrais juste dire que ce qu'on appelle la résistance, ça concerne 0,1 au début, jusqu'à 0,8% de la population française, c'est-à-dire 40 millions d'habitants. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait une France résistante. Voilà, c'est une grande question, hein, et on sait bien que ce débat est énorme et très important, parce que après la présentation, et surtout après la guerre, et c'est vraiment le mouvement gaulliste qui a apporté cela d'une France entièrement résistante, il y a toute la réflexion sur être résistant, être collaborateur, et puis cet entre-deux. Bénédicte Vergès-Chaignon, vous avez travaillé également sur les Français dans la guerre avec ces archives du quotidien de 1940 à 1945 publiées chez Flammarion. Sur cette part des résistants, que constatez-vous en étudiant ces Français dans la guerre ? Alors, les personnes engagées, les militants, les activistes sont forcément toujours une minorité. L'important, c'est de voir qu'au fil des années, cette minorité, pour être maoïste, va être de plus en plus comme un poisson dans l'eau quand même au milieu de la population française, au fur et à mesure que celle-ci va se détacher du gouvernement du maréchal Pétain. Je cite un point vraiment fort qui marque un tournant, c'est l'instauration du service du travail obligatoire, qui oblige les jeunes gens entre 20 et 22 ans à aller travailler en Allemagne, pour faire simple, et qui va indigner la population et susciter des mouvements de protestation ou de solidarité. Et effectivement, ce sera un moment très important qui se verra conforté par cette présence de plus en plus grande, au fond, des résistants dans l'espace public, au travers de leurs tracts, de leurs journaux, de leurs manifestations, parfois de leurs attentats aussi. Cécile Desprairies. Oui, peut-être peut-on rappeler que le premier attentat contre l'occupant a lieu un an après l'arrivée de l'occupant, seulement un an, puisque en raison du pacte qui lie Hitler à Staline, les communistes sont liés aux nazis. Ils se sentent déliés de leur du pacte à la rupture. Et là, il y a le premier attentat au métro Barbès. Mais je dois dire que il y a aussi l'alliance entre les Italiens et les Allemands jusqu'au septembre 43. Il y a des alliances successives. Il y a des résistances successives. Oui, parce que c'est cette chronologie hein, qu'il faut prendre en compte. Oui. C'est pas du tout la même chose au début de l'occupation en 1940. Et puis, il y a cette histoire de zone libre, zone occupée. Oui. D'ailleurs, oui. On peut préciser, Cécile Desprairies, ces zones. Parce que oui. Nous parlons de deux zones. Nous pensons à l'occupation allemande en France. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi une occupation italienne. Bien sûr, l'occupation italienne concerne 17 départements. Tout le sud-est de la France, il y a aussi l'annexion allemande, de fait, de l'Alsace et de la Moselle, donc une partie de la Lorraine. Donc l'Alsace et une partie de la Lorraine sont allemandes, parlent allemand. Il y a le nord de la France est sous contrôle de Bruxelles, donc Lille. Il y a plusieurs occupations. Et ça, plusieurs occupations qui sont en écho à plusieurs formes de résistance et à plusieurs moments. On ne résiste pas de la même manière dans ces différentes zones. Non, bien sûr que non, bien sûr que non. Et dans tous les cas, ces actes de résistance fascinent les enfants. C'est le cas de Gilles Perrault, vous savez, celui qui ensuite devient écrivain, le pullover rouge, c'est lui qui se souvient de son enfance à regarder les résistants. Avis. 1. Le juif Shmuel Tichelman, de Paris. 2. Le nommé Henri Gautereau, de Paris, ont été condamnés à mort pour aide à l'ennemi, ayant pris part à une manifestation communiste dirigée contre les troupes d'occupation allemandes. Ils ont été fusillés aujourd'hui. Paris, le 19 août 1941. Der Militärbefehlshaber in Frankreich. J'étais fier de ces gens-là, si vous voulez. On avait vu nos pères vraiment s'abaisser, s'humilier, recevoir des coups de pied au cul, au moral et au physique. Parce que ça arrivait au début, vous savez, quand on ne descendait pas du trottoir, ils vous bottaient le cul. Et on voyait des hommes de l'âge de nos pères qui recevaient leur coup de pied au cul et qui... Bon. Et c'était terriblement... ce sont des souvenirs d'humiliation, de honte. Et peut-être que, sans doute qu'à cet âge-là, on a besoin d'avoir des pères dont on soit fier. Eh bien, pour moi, ces résistants, c'était des pères. Voilà. C'était des hommes qui disaient non. Et c'était des hommes qui s'étaient battus. Voilà, tout le monde n'est pas résistant hein, avec ces Français dans la guerre. Dites-nous, Bénédicte Vergès-Chaignon, ces Français dans la guerre observent les résistants, malgré tout. Oui, parce que il faut quand même se rendre compte que... Nos compatriotes de cette époque-là sont très très occupés à leur survie quotidienne. Hein. La vie matérielle prend beaucoup de temps, elle s'effectue dans l'incertitude et parfois dans l'anxiété. Et donc le quotidien s'impose de façon très forte sur les autres considérations. Et c'est vrai qu'il va falloir un peu de temps à chacun, voilà, pour remettre son esprit critique et son esprit d'analyse en fonction. Mais dans l'archive qu'on vient d'entendre, il y a ce paradoxe, n'est-ce pas, des affiches allemandes qui veulent stigmatiser les résistants en les désignant comme des étrangers, des communistes, des terroristes, mais qui, au fond, contribuent à révéler au grand public l'action des résistants et peut-être, comme dans le cas de ce petit garçon, à les faire rêver et espérer. Oui, parce que c'est ça hein, aussi, c'est essayer de se replonger dans ce quotidien qui est extrêmement difficile. Ce quotidien, dans un premier temps, c'est survivre. Enfin, c'est que tout est en rupture absolue, mais même dans les relations sociales. Il faut le rappeler qu'on sort de la guerre, donc il y a encore beaucoup d'hommes qui sont alors prisonniers en Allemagne. Il y a l'urgence ici simplement de retrouver ses repères. Absolument, il y a des personnes qui ne reviendront pas d'Exode pendant les 4 années ou 5 années qui vont suivre et qui vont devoir s'inventer une nouvelle vie, loin des leurs éventuellement. Il y a le chômage qui sévit à partir de l'été 1940 et qui oblige aussi les gens à trouver un nouveau travail, un nouveau point de chute, de nouvelles solutions. Et bien sûr, avec tous ces prisonniers de guerre, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent chefs de famille avec des enfants sans savoir du tout si et quand leur mari est susceptible de rentrer. Et d'ailleurs, ce sera une façon de faire jouer le chaud et le froid hein, sur les familles des prisonniers en leur laissant espérer à certains moments. Et puis, par exemple, en accusant les résistants de freiner les rapatriements de prisonniers. Parce que n'oublions pas que ces années sont des années de propagande, de déchaînement. De la propagande comme arme de guerre. Dans ce voyage à travers la France occupée, Cécile Desprairies, cette propagande est une évidence. Mais quand on se balade dans les rues, quand on regarde les murs, on voit ici des panneaux, ici des affiches. Oui, je crois que c'est la première fois, où c'est la guerre des images, et c'est la première fois où les images et les discours l'emportent. Bien sûr, tout est absolument sous contrôle. La presse, on peut rappeler, je ne sais pas, Paris Soir, 2 millions d'exemplaires quotidien, la presse est entièrement sous contrôle, la radio bien sûr, les affiches, il faut un imprimatur pour tout. Donc il n'y a pas de parole libre. Ça c'est vrai qu'il faut le dire. Moi je serais quand même plus nuancée pour les relations franco-allemandes. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle une accommodation. C'est-à-dire il faut vivre, on s'installe en la durée. Peut-on rappeler que le Reich est censé durer 1000 ans, donc on ne sait pas combien de temps va durer cette guerre. Et il y a une plus grande proximité, je n'ose pas dire le mot familiarité. Mais ce que j'ai trouvé dans les notes des renseignements généraux, c'est une serveuse qui est la maîtresse d'un milicien, mais le nazi est surnommé Stuka, le sous-lieutenant de la Wehrmacht Bouboul, et il y a des résistants qui se vantent un peu trop fort de leur haut fait et que la serveuse dénonce. En fait, je trouve que tout le monde vit ensemble. Moi, je dirais plutôt cela. Il n'y a pas deux France absolument séparées, selon vous, Cécile Desprairies. Vous le voyez, quand on regarde les archives, c'est vrai qu'avec ces surnoms que vous évoquez, ça veut dire qu'on se connaît bien. Quand bien on surnomme quelqu'un, voilà. Boule ou Stuka, c'est qu'on se connaît. On se connaît. C'est cette vie complexe, en fait, parce que nous sommes dans l'incertitude absolue de l'avenir. Et c'est peut-être ça aussi qui fait le nœud de la réflexion autour de l'occupation. C'est qu'il faut sans cesse adapter son comportement. On ne sait pas du tout ce que réserve l'avenir. Vous le voyez, vous aussi, Bénédicte Vergès-Chaignon ? Oui, c'est vraiment ça qui domine. Et je vais faire appel à l'expérience récente de nos auditeurs. Je pense que nous, les historiens, nous avons jugé d'une manière souvent un peu sévère ou moqueuse l'exode, la décision de partir. Or, au début du premier confinement, en avril 2020, je pense que beaucoup de nos auditeurs ont dû décider où ils allaient passer leur confinement, à la hâte et en toute méconnaissance de cause. Eh bien, je voudrais qu'ils se rappellent de cette expérience pour voir dans quel état sont les Français. Effectivement, qui sont appelés souvent à prendre des décisions qui peuvent être cruciales et dont ils ne connaissent pas, en fait, l'ampleur et les enjeux. Et donc, ça rend cette vie, effectivement, assez anxiogène. Oui, c'est de l'histoire comparée que vous faites là. L'ampleur n'est pas du tout la même. Non, pas du tout la même, mais je parle du ressenti, vraiment de ce que nous avons pu éprouver. Et pour faire écho à ce que vous venez de dire, effectivement, la peur de la pénurie, nous l'avons alors à une mesure infime pendant la pandémie, mais il faut imaginer qu'au moment de l'occupation, l'idée c'est que il y aura plus rien, que les magasins seront peut-être fermés. Oui, peut-être on peut quand même rappeler que c'est une France largement rurale et que les citadins font appel à leurs cousins et à leurs familles qui, eux, n'ont pas vraiment connu de problème d'approvisionnement. Donc, ce sont les colis postaux. On se rappelle au bon souvenir de la parentèle et des solidarités familiales. C'est bien d'avoir des cousins en Normandie à ce moment-là, pour avoir le beurre. Dites-nous, Cécile Desprairies, comment avez-vous travaillé pour ce voyage à travers la France occupée? C'est publié aux presses universitaires de France. 4000 lieux familiers à redécouvrir. Oui, il me semble que pendant cette période, le monde a un peu marché sur la tête. Donc je voulais savoir ce qu'il en était. Et au-delà des lois, des ordonnances, des images de propagande, je voulais savoir... Je suis repartie des lieux, c'est-à-dire où est-ce que ça se passait. Et donc j'ai travaillé pendant 5 ans dans les archives départementales, municipales. Je suis arrivée et quelquefois j'ai trouvé ces lieux très rapidement, quelquefois ça m'a pris un peu plus de temps. Et mon hypothèse était que l'occupant avait préparé son arrivée plusieurs années à l'avance, donc 3 ans avant l'arrivée de l'occupant, les plans étaient en vente libre à la librairie Brown rue Saint-Lazare, une librairie qui est fermée aujourd'hui, et ce sont des plans qui donnent, très très précis, qui donnent les entrées et les sorties. Et l'occupant a anticipé son arrivée. Plus la hiérarchie est élevée, plus le nombre de sorties de secours est important. Donc, on parlait du MBF, donc 3-4 sorties de secours. Une commande en tour en a 2. Et ce n'est pas n'importe quel type d'immeuble qui est réquisitionné. Et c'était une hypothèse qui s'est confirmée, c'est qu'en fait, l'occupation et partant la collaboration, c'est une affaire de quartier. C'est-à-dire, tout le monde vit en face, à côté, à l'angle, et l'occupant, dès son arrivée, prévoit la fin. C'est-à-dire prévoit les derniers combats où il va y avoir des sorties de secours et des combats d'homme à homme. Et surtout, ce qui m'a stupéfaite, c'est que les lieux qui sont occupés sont des lieux emblématiques. C'est-à-dire, c'est bien sûr la préfecture, puisque le préfet est un homme très important sous l'occupation. C'est le correspondant du feldkommandant. Par exemple, il y a la préfecture continue de fonctionner. Il y a le préfet délégué et au-dessus de lui le préfet régional, mais il entre par une autre entrée de la préfecture, ce qui fait que officiellement, ce sont deux adresses postales différentes. Mais il y a l'estafette qui fait le courrier interne. Donc en fait, officiellement, ils ne sont pas ensemble, sauf qu'ils partagent les mêmes locaux. C'est un petit peu comme des bureaux d'un bout à l'autre. Et ça, c'est comme une preuve par le lieu. Oui, parce qu'il y a une double démarche. Hein. Oui. Déjà, identifier les lieux et ensuite essayer de comprendre pourquoi tel lieu a été choisi par les Allemands pour installer. Alors, installer quoi? Il y a la commandant tour qui peut être installée là? Bien sûr, la commandant tour, la ZIPOSD, c'est-à-dire très vite, dans une des antennes, et la Gestapo. Il y a bien sûr les lieux de spoliation. La collaboration est économique et toute cette occupation se fait aussi, il faut le dire, il ne fait pas bon être juif, américain, allemand ou franc-maçon. Et il y a des réquisitions. On n'a plus le droit de posséder si on est juif. Et je vois par exemple, un magasin de confection qui est spolié. Donc il y a les jeunesses patriotiques, l'organisme de Vichy. Et puis il y a la milice qui s'installe. Ils se disputent les lieux. Et avec courtoisie, mais ils se disputent. C'est qui aura raison? Le dernier. Avec courtoisie ou sans courtoisie, puisqu'on voit en 1940 divers nouveaux petits partis, futurs collaborationnistes, se battre carrément sur les Champs-Élysées pour certains lieux prestigieux et s'attaquer un peu comme le faisaient les étudiants, les associations rivales des étudiants. Et ce sont les Allemands qui mettent de l'ordre dans tout ça. Se battre, mais ça, ils font le jeu de l'occupant, se battre. Ce n'est pas grand-chose, la notion de parti politique est interdite, on n'a pas le droit, en principe, d'avoir un parti politique. Je crois que courtoisie ou non courtoisie, c'est un petit peu, il pille. Je crois qu'il faut le dire. Et ces lieux qui ont changé plusieurs fois d'occupant, si l'occupant premier n'est jamais revenu, ce qui arrive, c'est le dernier occupant qui est resté. Donc il y a en France aujourd'hui des immeubles entiers qui sont le résultat d'une spoliation. Alors ça, c'est au cœur de toute cette réflexion, parce que réfléchir à la France occupée, c'est un peu penser à aujourd'hui, à cet héritage, oui. Avec, sur cette question de lieux, bien sûr, des lieux hautement symboliques. Là, il n'y a pas de problème, vous avez cité les préfectures, oui. Hautement symboliques, oui. Et occupées. Oui. La Banque de France. Bien sûr. Alors ça, il faut le dire, la Banque de France paie les indemnités journalières d'occupation, ce qui sont d'un montant très élevé, jusqu'à l'envahissement de la zone libre le 11 novembre 1942, c'est 320 millions de francs par jour. Après l'occupation de la France entière, 500 millions de francs par jour, 1,5 milliard par jour. Et la Banque de France fait la banque, c'est la banque de l'occupant. Et c'est absolument sidérant, c'est-à-dire que les Allemands ont des comptes, c'est un dépôt et un retrait. Et quand ça commence à tourner mal à l'été 44, la Banque de France est plusieurs fois pillée par les miliciens, par les Allemands d'abord, par les miliciens ensuite, par les résistants enfin. Et ça, c'est une chose, tous les organismes économiques, le ROGES, l'organisation TOT, c'est à la Banque de France. Ça, on ne le dit pas assez, parce que c'est un relais. C'est un relais, c'est une administration qui fait le relais. On voit hein, qu'il y a ici, au moment de l'occupation, une présence allemande partout, alors qui s'infiltre dans des bâtiments. Ces Français, dans la guerre, Bénédicte Vergès-Chaignon, croisent des Allemands, dans les villes principalement. Dans d'autres endroits, ils n'en croisent pas du tout. Il y a des situations très différentes. Oui, il y a des situations très différentes, selon, je dirais, l'intérêt stratégique de la zone en France qui fait qu'elle est plus ou moins densément occupée. Et c'est vrai qu'il y a certains points de campagne en dehors des littoraux où, au fond, il n'y a pas vraiment de présence allemande, en tout cas pas de présence fixe. Donc, bien entendu, la situation n'est pas du tout la même si vous habitez ou si vous travaillez dans le premier arrondissement à Paris ou si vous habitez à Ouvrières-les-Bourdelins dans le Cher. C'est vrai que le ressenti n'est pas le même, mais ça ne met pas n'importe quel village à l'abri d'une incursion, d'une visite allemande. Et après tout, on va le voir terriblement en 1944 avec les opérations de représailles. Bien sûr, Oradour qui est l'endroit le plus connu, mais aussi Maillé par exemple, dans les Pays de la Loire, où bien soudain l'occupant apparaît à l'heure de la déroute. Oui, occupation allemande partout, même si elle n'est pas visible, Cécile Desprairies. Faut-il rappeler que l'occupation repose sur la délation et que les nombres de lettres de délation anonymes guident l'occupant vers tel ou tel lieu, tel ou tel village, à tel point que très souvent, même le Feldkommandant s'en plaint au préfet, qu'il croule. Il y a bien sûr tous les organismes collaborationnistes, commissariat général aux questions juives et toutes ces antennes en province, mais c'est la délation qui fait rage. Et puis dans ce voyage à travers la France occupée, Cécile Desprairies, vous avez classé ça par département. Hein, et oui, il y a vraiment tous ces sites occupés. Alors ce sont des immeubles, souvent ce sont les grandes villes, mais ce qui signifie qu'il y a une présence sur l'ensemble du territoire, oui. Mais à partir de là, il peut y avoir des incursions dans un petit village qui n'a pas d'occupation, pas de réquisition de bâtiments. Bien sûr, la famille de Serge Klarsfeld savait par exemple, que tel village, tel bourg était peu visité et s'est caché là. Bien entendu. Il n'y a pas eu de délation. S'il y avait une délation, c'était fini. Voilà, c'est ça. Hein. C'est qu'il y a cette peur omniprésente. Parce que c'est ça aussi les Français, les Françaises dans la guerre. C'est la peur. C'est la vie continue au quotidien. La peur est oubliée à un moment. Et puis, une information, un événement fait que surgit soudain la réalité de la situation. Un événement, ou un bombardement même aussi, hein, puisque surtout à partir de 1942, beaucoup de régions qui se trouvent à proximité de centres industriels et par la suite de nœuds de communication vont connaître des bombardements alliés, effectivement, qui feront beaucoup de victimes civiles et créeront d'importantes destructions. Bon, pour ne pas parler de la période du printemps et de l'été 1944. Donc il y a à la fois cette habitude de cette vie quotidienne bouleversée mais qui doit se rétablir, mais elle est toujours à la merci d'une nouvelle loi, d'une nouvelle décision, d'un événement, d'une irruption de la guerre dans le quotidien. Ou dans l'espace urbain, ou oui, dans la ville, d'un seul coup, on voit, voilà, on part une affiche qui annonce une nouvelle loi, la vie quotidienne est bouleversée. Oui, bien sûr. Dans cette histoire-là, il y a les décisions prises par l'occupant, par l'État français, et puis parfois sur le mur aussi, apparaît des petits signes de la résistance. Jules Cloire. La résistance a commencé, vous savez, quand vous aviez le souci d'avoir toujours une craie sur vous et de faire un V avec une croix de Lorraine dedans. Ça commence comme ça. C'est-à-dire, c'est les petites choses. Mais vous imprégnez une région. Vous imprégnez une région, une présence, des petits collants qu'on mettait comme ça. Bon, ben, c'est tout. On était présents. On était présents. Et le souci, dans les tracts, dans la presse clandestine, dans toutes ces choses-là, de répondre à la propagande allemande et à la propagande de Vichy, quoi. De répondre. Alors, il y avait Londres qui nous donnait pas mal d'arguments aussi. Hein. Il y avait les papiers de Maurice Schumann, il y avait l'émission tous les soirs, les Français parlent au français, il y avait Pierre Dac dedans, qui en sortait des bien bonnes, enfin, c'était... Non, on avait... Notre nourriture, on l'avait quand même. Et puis, on avait quand même lu, il y avait eu la guerre d'Espagne, qui avait été pour nous vraiment une ouverture. Ça, je me souviens que l'aumônier scout m'avait fait lire Bernanos, les grands cimetières sous la lune. Et donc, quand vous avez lu ça à 14-15 ans, vous êtes orienté, quoi. Hein. Vous dites fascisme, non. Non, fasciste, non. Juste Clobart, un journaliste, bien sûr, qui évoque alors ces petits V, et puis un bout de craie, on a l'acte de résistance. C'est un jeu, une rivalité d'occupation, cette histoire-là. C'est-à-dire, je marque ma présence sur le territoire. Oui, la résistance qui n'a pas ce nom-là à l'origine, c'est d'abord une réaction en grande partie spontanée, effectivement, une réponse à l'omniprésence mensongère de la propagande, d'où les tracts, d'où les premiers journaux clandestins, qui sont vraiment des journaux bricolés. On dit journal par politesse, hein, je dirais, vu la forme. Et puis, oui, cette idée d'être quand même présent dans l'espace, de s'exprimer, il faut bien entendu tenir compte, les manifestations, les rassemblements sont interdits. Donc par exemple, le fait de se rendre aux obsèques d'un aviateur britannique abattu, c'est déjà transgresser cette règle pour montrer son désir de, sinon de résister, du moins d'aspirer à la libération de la France et du coup d'être du côté des ennemis de l'Allemagne. Donc il y a comme ça cette menue appropriation, parce que c'est vrai qu'un graffiti à la craie sur un mur, sur le pavé, ça n'est pas grand-chose. Et pourtant, par exemple, comme cette campagne des V, elle est coordonnée depuis la Grande-Bretagne sur toute l'Europe occupée en 1941, ça donne l'impression qu'on participe à quelque chose de plus vaste. Et puis c'est une réponse, Cécile Desprairies, à cette présence allemande visible au quotidien. Oui, mais ça n'est peut-être pas si simple. Par exemple, la Bretagne, il y a le mouvement celte, Besenperot, et les nazis soutiennent l'autonomie de la Bretagne. Et il y a nombre de Bretons qui sont l'idée des celtes, qui sont assez proches des nazis. Je crois qu'il faut quand même vous parler d'un mouvement qui parle de Bretagne. Dans les archives, on parlé des mensonges familiaux. Il m'est arrivé de trouver une légende selon laquelle un membre de la famille avait été abattu. Mais non, c'était un militant. Et ils étaient très proches des nazis. Je crois qu'il faut quand même rappeler... Il y a un tournant à partir du moment de la rupture entre Staline et Hitler. Et là, je crois que les Français pensent, c'est fichu. Mais... entre-temps, ça ne se passe... Enfin, ça se passe... ne rien faire, c'est peut-être déjà faire quelque chose. Mais moi, je serais quand même plus pour... Tout tient à la définition de résister et collaborer. Oui. Être proche des Allemands, des occupants, est-ce collaborer? C'est ça la question, Cécile Desprairies. Oui, alors... Officiellement, le commerce avec l'occupant est interdit. On n'a pas le droit de travailler avec l'occupant. Mais il y a quand même l'autorisation de Vichy. Pétain, c'est collaborer, travailler ensemble. Il y a quand même l'aval de Vichy, l'encouragement. Je crois qu'il faut quand même donner le contexte. Et la population française est quand même, au départ, assez pro-pétainiste. Oui, parce qu'il y a ça, hein, vraiment, cette question qui taraude sans cesse historien, historienne et en toute légitimité, l'étude de la résistance telle qu'elle a été et telle qu'elle a été présentée par la suite. Et c'est la même chose pour la collaboration. J'ai envie de dire que la définition ne peut pas être précise étant donné l'éventail des possibles de l'acte de résistance, voire de la collaboration. Oui, ce n'est pas la même chose, effectivement, de... vendre du beurre et des œufs à des Allemands qui passent à la ferme, de travailler sans l'avoir vraiment choisi dans une usine qui produit du matériel qui va participer à l'effort de guerre allemand, et puis de travailler dans les bureaux auto, c'est-à-dire les bureaux d'achat allemands, bon, qui servent au fond à... utiliser l'argent des frais d'occupation pour saigner la France en achetant tout ce qu'elle a de disponible. Ça n'est pas la même chose de choisir d'adhérer à un parti qui, au fond, veut rejoindre l'idéologie nazie et veut participer d'une manière ou d'une autre à l'intégration de la France dans l'Europe dominée par l'Allemagne nazie. Oui, c'est sûr qu'entre vendre des œufs quand les Allemands passent à la ferme et s'engager dans la mine-liste, on ne peut pas dire collaborateur de la même manière. Ou dans la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, effectivement. Alors, faut-il rappeler les chiffres? Il y a le fameux fichier des 100 000 collabos, hein, donc, dont j'ai pris connaissance. Il y a eu 100 000 collaborateurs répertoriés par les Américains à la fin de l'occupation, enfin à la libération. Il y a environ 100 000 résistants, 200 000 pendant les trois dernières semaines. Alors, 100 000 d'un côté, 100 000 à 200 000 de l'autre, et au milieu, c'est 99,8% de la population. Alors, que fait-elle, cette population? Je veux dire que, évitons les extrêmes, mais personnellement, je pense que la France s'est reconstruite sur un mythe, et encouragée par le général de Gaulle, qui a dit « La France a besoin de ses enfants, de tous ses enfants ». C'est le discours d'Evreux. Il a ensuite parlé d'Israël, ce peuple d'élite, dominateur et sûr de lui. Toute une population s'est sentie encouragée à ne pas regarder son histoire. Au contraire de l'Allemagne qui n'avait rien à perdre et qui était obligée de regarder son histoire. Je pense que la France s'est largement reconstruite sur un mythe. Oui, la France s'est reconstruite sur un mythe avec cette longue histoire de la résistance, parce que pour vous, l'idée que tous les Français étaient résistants, évidemment, c'est faux, mais qu'il n'y avait qu'une petite partie de collaborateurs, c'est à nuancer, à revoir. Oui. Vous l'apercevez comment à travers votre voyage dans la France occupée? Moi, je pense que c'est une affaire financière et économique avant tout. Qui paie, où passe l'argent, il y a des bénéfices à faire, c'est l'avènement d'une classe sociale aussi, c'est une vengeance, il y a du racisme et l'antisémitisme, c'est un nouveau monde qui se met en place. Ce monde marche sur la tête, mais il y a des affaires à faire. Et je crois qu'il faut quand même rappeler qu'au départ, c'est ça. Je rappelle le mot de Rabelais, les nerfs des batailles sont les pécunes. C'est l'argent aussi. Et bien sûr, les résistants n'en sont que plus glorieux, ils n'en sont que plus grands, mais ils sont vraiment peu. Et dans ce tiraillement, Bénédicte Vergès-Chaignon, il y a la situation de chacun, de chacune. C'est en lien aussi avec l'argent et la survie au niveau de l'individu. Avoir une famille à charge, avoir un bébé qui vient de naître, ne permet pas le même engagement. Il faut vivre, là. Il y a une urgence comme une évidence. Absolument. D'ailleurs, dans le profil des résistants du début, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de charge de famille ou qui n'ont plus de charge de famille ou qui vont s'affranchir de leur famille parce que effectivement, ça n'est pas la même chose de risquer sa seule vie. Ce n'est pas très évident d'entrer dans la clandestinité en ayant une famille à charge, bien entendu. Donc il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en situation de toute manière, de devenir des militants engagés. Mais c'est ça, on ne peut pas être militant engagé dans tous les cas. Et le regard que vous portez, vous, Cécile Desprairies, c'est la même chose. Sur cette occupation allemande en France à travers des lieux, on voit aussi cette grande diversité de possibles. Il y a, dans l'étude que vous avez réalisée, moi, quelque chose qui m'a marqué, c'est, on n'y pense pas, mais vous l'avez évoqué, c'est le choix des lieux. Choisir des immeubles d'angle parce qu'il va y avoir deux sorties. Choisir tous ces lieux extrêmement symboliques. Alors, on va trouver quoi ? On va trouver, on l'a dit, les préfectures, la Banque de France, des écoles. Bien sûr, les écoles. La milice adore les couvents de jeunes filles et retourner les lieux. Et le centre, le cœur des cités et le cœur de l'occupation, et plus on s'éloigne du centre, plus la hiérarchie baisse. Les troupes sont en périphérie, souvent dans les casernes qui sont des prises de guerre qui n'ont pas à être réquisitionnées, et tout ce qui est torture de la Gestapo, c'est souvent près des gares, derrière la gare, pour pouvoir déporter plus vite et plus facilement. Ou dans les prisons aussi. Il faut dire que, puisque ce sont des lieux qui sont partagés, les prisons sont aussi partagées. Oui, c'est cette proximité en fait que vous avez étudiée, hein, où sans arrêt, il y a ce lien entre l'occupant et les Français, les Françaises. Oui, devant, derrière, à côté. Il y a des rues réservées, certes. Il y a des barrières, on ne peut pas entrer. Mais au fond, tout ce monde circule, tout ce monde se croise. Et il y a aussi les réquisitions et l'occupant habite chez l'occupé. Eh oui, c'est ça, parce qu'il y a les réquisitions. Oui, c'est le silence de la mer. Hein. Ça, c'est c'est la présence imposée, alors plus ou moins bien supportée, effectivement, d'Allemands qui vivent, alors soit avec les gens, soit à la place des gens, hein, parce qu'il y en a aussi qui ont été sortis de chez eux, effectivement. Et là, on vient d'évoquer les lieux qui sont occupés et réquisitionnés. Mais alors, moi, je suis versaillaise et on me pose souvent la question pourquoi les Allemands n'étaient pas au château de Versailles. Alors, moi, j'ai tendance à dire que ça ne se prête pas beaucoup à un immeuble de bureau et qu'il n'y a pas de chauffage. Mais peut-être qu'il y a aussi des questions de sécurité auxquelles je n'avais pas pensé. Non, permettez-moi, si l'occupant n'est pas allé à Versailles, mais est allé à Saint-Cloud, c'est parce qu'il était question à un moment que Pétain s'installe à Versailles, à l'hôtel Trianon. Et il y a une reconfiguration de l'espace général, c'est-à-dire que des villes qui n'étaient a priori pas importantes deviennent très importantes. Saint-Cloud, c'est le centre régional de tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'Île-de-France. De même que dans le Vaucluse, ça n'est pas Marseille, mais c'est Avignon qui est une ville principale. Non, ce sont des questions de logistique. On a attendu Pétain jusqu'à la dernière minute. Mais enfin, Versailles est une ville très occupé, oui, par ailleurs. Tout à fait. Mais alors oui, effectivement, il avait été question d'une espèce d'enclave sur le modèle du Vatican dans Versailles. Le maréchal Pétain se serait installé dans un hôtel particulier à proximité du château. Non, dans un hôtel particulier. Hôtel et ses services auraient été au Trianon Palace. Et puis, ça a tourné court, effectivement, parce que les Vichysois demandaient beaucoup de Français en armes pour assurer la sécurité du maréchal Pétain et qu'il n'en était pas question en zone occupée. Et dans cette histoire de résister, collaborer ou survivre, la vie quotidienne sous l'occupation, en 1944, après, Maurice Chevalier nous rappelait qu'elle avait conservé ses couleurs bleu, blanc, rouge. Une épicier l'avait gardée dans son comptoir. Le percepteur la conservait dans son tiroir. La fleur si belle de notre espoir. Le pharmacien la dorlotait dans un bocal. L'ex-caporal en parlait à l'ex-général. Car c'était elle, notre idéal. C'est une fleur de Paris, du vieux Paris qui sourit. Car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs. Bleu, blanc, rouge avec l'espoir et la fleurie. Fleur de Paris. Fleur de chez nous, elle a fleuri de partout, car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs, bleu, blanc, rouge, elle était vraiment avant tout fleur de chez nous. Ah, c'est grandiloquent, la fleur de Paris, chantée par Maurice Chevalier en 1944. Bénédicte Vergès-Chaignon, quand nous évoquons cette présence dans l'occupation, il y a cette omniprésence allemande, mais pas seulement. Il y a aussi l'État français, le pays du maréchal, écrivez-vous dans Les Français dans la guerre. Parce que c'est un jeu de rivalité aussi, de montrer sa présence entre Pétain et puis les Allemands. Oui, le gouvernement du maréchal Pétain, les gouvernements du maréchal Pétain ne sont pas en reste au niveau de la propagande. Une propagande dont la personne du maréchal Pétain est l'objet principal, le sujet principal. Il est effectivement omniprésent. Cela joue sur sa popularité, cela la conforte aussi. Et il est vrai que si la désaffection à l'égard de ses gouvernements est assez précoce, l'affection pour sa personne se maintient beaucoup plus longuement. Effectivement, les Français aiment à croire que le maréchal Pétain est trompé ou manœuvré par son entourage, mais que lui aspire à la même chose qu'eux, c'est-à-dire au fond la libération du pays et le retour à la normale, pour ce que ça peut vouloir dire. Avec des rues Maréchal Pétain partout, hein, dans toutes les communes. Voilà. 86% des chefs-lieux de France ont une voie Maréchal Pétain. Il n'y a pas de voie à Laval. Et il y a, qui plus est, des voix Henriot. Philippe Henriot, secrétaire d'État à la propagande, est assassiné le 28 juin 1944. Par exemple, l'avenue, nous sommes à Paris, l'avenue du président Wilson, aujourd'hui, était une avenue Henriot. Et à Bordeaux, enfin, il y a nombre de villes de France. Il faut rappeler ça, que la dernière voix Pétain a été débaptisé en 2013. Donc, bien sûr, c'est le vainqueur de Verdun, mais pas seulement. Pas seulement. Oui. Je voudrais parler, nous avons écouté Maurice Chevalier. Maurice Chevalier, il a enregistré sur Radio Paris pendant toute l'occupation, il s'est produit, il a enregistré des chansons en allemand. C'est un scandale. Ça n'est pas Jean Gabin, ça n'est pas Marlène Dietrich. Je trouve ça... Il a été parfaitement... C'est la collaboration artistique, mais c'était un parfait collaborationniste. Dans cette relation à l'allemand, avec la difficulté de penser la collaboration. Cécile Desprairies, on est au cœur en fait des procès au moment de la libération. Tout cela, et là, il y a le regard porté par l'historienne sur ce qui s'est passé, mais puis le regard porté par l'historienne sur ces procès même qui cherchaient à définir qui a collaboré ou non. Ah, ça, c'est affreux, parce que pendant les 3 semaines qui ont suivi la libération, il n'y a pas eu de loi. Qui décide? Et ce sont les femmes qui avaient collaboré, qui avaient couché avec les Allemands, qui ont été tondues, promenées à demi nues, marquées au fer rouge et au mercurochrome. Ça, c'est affreux, parce que c'était, on a trouvé des victimes expiatoires, mais c'est pas elles, c'est quand même, c'est quand même une grande partie de la population. Elles ont été des boucs émissaires. Et après, une certaine normalité s'est remise en place. Mais les prisons doivent être, ce que j'ai trouvé dans les archives, les prisons doivent être protégées parce qu'il y a des lynchages. Et on pend les gens, c'est d'une violence inouïe. En écho, oui. À la violence de ce qu'a été l'occupation. Avec, là aussi, la nécessité de porter un regard sur l'individu. Parce que dans la démarche de l'historienne, regarder l'ensemble du territoire à travers les lieux de la France occupée, c'est une chose. Regarder ses différents parcours et s'arrêter parfois sur un individu, c'est ce que vous faites, Bénédicte Vergès-Chaignon, avec Colette en guerre. Oui, l'écrivaine Colette, pendant la guerre. S'arrêter sur un individu, c'est aussi montrer un positionnement au moment de l'occupation avec ses relations, notamment son mari juif, qui l'oblige à non pas faire acte de résistance, on peut pas le dire ainsi, mais en tout cas à tout faire pour le sauver. Alors à tout faire pour le sauver, bon, je me suis arrêtée sur le cas de Colette car elle me semble au fond très représentative des Français de cette époque, le talent pour le dire en plus. Et effectivement, elle vit au Palais Royal et elle essaye de faire comme si l'occupation allemande n'existait pas. Et jusqu'au moment où son mari, parce qu'il est juif et d'origine étrangère, est arrêté en décembre 1941. Là, elle se démène pour le faire libérer et c'est finalement probablement la femme de l'ambassadeur d'Allemagne en France qui va obtenir cette libération. Alors, on ne peut pas s'attendre, bien sûr, à ce que Colette soit résistante. C'est une dame septuagénaire, donc faut pas exagérer quand même. Mais on la voit donner de l'argent et des contacts à sa voisine Suzanne Spack, qui, elle, est à la tête de filières qui cachent les enfants juifs pour essayer de les faire échapper à la déportation. Il y a chez elle, comme chez beaucoup de Français, une prise de conscience de ce qui est en train de se passer, qui se fait progressivement et qui l'amène à espérer, alors les Français espéraient dès l'été 1943 un débarquement allié en France, ils devront attendre jusqu'à l'été 1944. Alors, je ne comprends pas trop, à ce moment-là, pourquoi Colette écrit dans des magazines collaborationnistes, antisémites. Alors, je peux tout à fait vous l'expliquer, mais c'est peut-être un peu long pour l'émission. Donc, elle écrit effectivement dans le Petit Parisien. Candide, Gringoire, alors, trouvé partout. Dans Candide et Gringoire, elle publie en avant-première des romans et des nouvelles. Et elle signe. Et ce sont des articles qui paraissent, ce sont des journaux qui paraissent en zone libre et donc elle ne voit pas, car la presse de zone libre n'arrive pas en zone occupée à cette époque-là. Donc dans le Petit Parisien, elle tient une chronique féminine dans laquelle je vous fais remarquer néanmoins qu'elle dénonce les pénuries, qu'elle se plaint de l'heure noire, l'heure allemande, et qu'elle prend la défense de Jean Cocteau au moment où il est non seulement insulté, mais attaqué physiquement par les collaborationnistes. Par ailleurs, on lui reproche beaucoup un article publié dans le journal de la milice, mais cet article a été publié sans son autorisation, sans même qu'elle en soit avertie, comme c'est arrivé à d'autres écrivains, et aucun d'entre eux ne s'est avisé à ce moment-là d'attaquer en justice la milice pour obtenir le respect de leurs droits d'auteur. La collaboration artistique passive ou active, pour moi, elle est plus active que passive, selon mon point de vue, est très dangereuse parce que je pense à d'autres acteurs. Je pense par exemple à Daniel Darieux, qui pose dans Signal. Signal, c'est 800 000 exemplaires bimensuels. Alors on dit que c'est une jeune fille écervelée, mais enfin, je pense qu'elle a l'air de très bien savoir ce qu'elle fait. Et ça, c'est très dangereux parce que c'est une caution et que la France occupée se sent... Je dis pas encouragé, mais enfin voilà, si une telle et une telle écrit, alors c'est pas si terrible. Ça, c'est très dangereux. Oui, parce que c'est la notion de collaboration et de résistance qui se joue ici. Évidemment, on n'est pas du tout dans la résistance. Sommes-nous dans la collaboration ? En tout cas, ce n'est pas un refus de participer à cette vie. Mais c'est ce monde-là, sans connaître l'avenir, etc., avec toutes ces incertitudes. Dans votre voyage à travers la France occupée, Cécile Théprie, publié aux Presses universitaires de France, c'est vraiment un voyage. Hein, on se traverse tous les départements. Y a-t-il encore aujourd'hui cet héritage ? J'imagine que vous avez à chaque fois été voir dès que vous le pouviez les lieux. Trouve-t-on des traces ? Oui. Bon, les noms de rue. Alors, on l'a dit débaptisé Maréchal Pétain, mais quand c'est le héros de la Première Guerre mondiale qui est commémoré ? Par exemple, à La Rochelle, il y a encore la milice. Il y a encore mal effacé l'inscription milice. Bon, c'est peut-être une déformation professionnelle, mais je trouve que ces traces sont très nombreuses et qu'elles sont là, et qu'elles sont là. Et bien sûr, on a débaptisé les avenues Pétain, mais nombre de héros de Vichy. Je pense, Vichy a créé toute sa mythologie des héros, Jeanne Hachette, le nombre de rues Jeanne Hachette, y compris à Paris, par exemple. Les héros... Du Guesclin, partout du Guesclin. Donc en fait... Le premier niveau a été supprimé et les voies ont été maintenues sous leur dénomination. Et sur les bâtiments, parce que bâtiments les photos d'archives montrent ces bâtiments, alors avec parfois des croix gammées parce que c'était la commandanture. Est-ce qu'il reste des traces à part une peinture effacée ? Écoutez, moi je dirais que ce sont des traces très terre à terre. L'occupant est obsédé par les questions d'hygiène et la France n'a pas de salle de bain partout, ni de toilettes privées. Et selon la hiérarchie, l'occupant s'installe dans des hôtels ou dans des hôtels particuliers ou des hôtels commerciaux et exige pour les officiers des salles de bain privées et des toilettes privées. Et dans la France de l'occupation, les plombiers travaillent beaucoup. Et évidemment, ces installations sanitaires sont restées. Avec énormément d'archives, hein, Bénédicte Vergé-Chaignon, ces archives du quotidien 1940-1945, elles sont très nombreuses. On le voit bien, il suffit encore d'ouvrir les tiroirs, de monter dans les greniers des maisons. Après, il faut savoir les interpréter. C'est ça aussi qui nécessite un regard d'historienne sur toutes ces archives. Oui, parce que les archives nous parlent à condition de savoir un petit peu à l'avance de quoi elles veulent nous parler, effectivement. C'est pourquoi il ne s'agit pas seulement de montrer, mais ça nécessite un récit, des commentaires et parfois des explications, c'est vrai. Avec des étonnements dans tout ce travail que vous avez pu faire, je pense à la géographie, Cécile, des prairies, sur des lieux qui ont pu être réquisitionnés et qui intéressaient particulièrement l'occupant. C'est une revanche, il y a l'idée d'une revanche. Ça c'est terrible. Et qui aura raison en dernier ? Ça c'est une chose qui me frappe beaucoup. On est là et on profite. Il y a toute la relation, les affaires commerciales. On dit que la ligne de démarcation c'est une ligne qui suit celle des vignobles. Les vignobles sont du bon côté, du côté de l'occupant. Oui, d'accord. Donc ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas. On n'y pense pas. Il y a tout ce travail qui est réalisé sur l'importance du vin dans la guerre, hein, le vin et les nazis. C'est un travail de Christophe Lucan. Dans le parcours que vous suivez, Cécile Desprairies, est-ce qu'il y aura un jour un voyage à travers la France résistante ? Sincèrement, je ne pense pas. Non. En fait, ce que j'aimerais bien faire, ce serait un voyage à travers l'Europe occupée. Parce que finalement, à force de visiter tous ces lieux, j'étais à Vienne, en Autriche, l'été dernier, je disais là, la commandanto était là, la Gestapo était là, et je ne m'étais pas trompée. Je finis par reconnaître une certaine typologie des lieux. N'oublions pas également que les maisons closes sont autorisées. La loi Martrichard, c'est 1946. Donc l'occupant investit les maisons closes et les contrôle, et fait des contrôles sanitaire. L'obsession de la maladie, la syphilis n'est pas curable à l'époque. L'omniprésence aussi, effectivement, des maisons closes, des bordels dans cette France occupée. Merci vivement à toutes les deux. Bénédicte Vergé-Chaignon, je rappelle, les archives du quotidien, ce sont les Français dans la guerre chez Flammarion, encore Colette en guerre, ou votre Jean Moulin aussi, mais c'est un écho à tout c'est possible de la résistance, de la grande figure de Jean Moulin, à ses archives du quotidien, peut-être ses petits actes de résistance. Et merci à vous, Cécile Desprairies, pour ce voyage à travers la France occupée, publié aux Presses universitaires de France, les PUF. Merci à toutes les deux. Merci. Il est temps de retrouver maintenant Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Comment les rois de France communiquaient avec le peuple ? Dans une autre de mes chroniques, je vous ai parlé de Théophraste Renaudot, qui fut, au XVIIe siècle, l'un des fondateurs de la presse française. Il faut toutefois rappeler que, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, ce n'est pas la presse écrite qui jouait le rôle principal dans la diffusion de l'information politique. L'historienne Michel Fogel a montré le rôle essentiel que jouaient alors ceux qu'on appelait à l'époque les jurés crieurs. C'étaient des officiers qui informaient le public des décisions prises par les autorités en proclamant le texte officiel à coups de trompe avant de l'afficher sur la place publique. L'analyse des exemplaires d'affiches datant du milieu du XVIIe siècle a permis de retrouver les thèmes les plus régulièrement représentés. Ils portaient sur l'entretien des rues et la police de la capitale, sur les exécutions publiques, la condamnation de libelles jugées subversives et les ordonnances militaires. L'autre moyen essentiel que le pouvoir royal développa progressivement pour communiquer avec ses sujets fut de mobiliser les cérémonies religieuses pour célébrer les victoires militaires. Jusqu'au XVIe siècle, ces célébrations associaient surtout la procession et la messe. Mais les guerres civiles qui opposèrent les catholiques et les protestants provoquèrent une multiplication des processions, ce qui incita le pouvoir royal, et notamment Henri III, à privilégier des formes de célébration officielle confinées dans l'enceinte des églises. C'est ce qui explique l'importance croissante que prit alors, dans les cérémonies de l'information, le Te Deum chanté en présence des corps constitués. Ce rituel chrétien, qui date probablement de la fin du IVe siècle, ou du début du 5e siècle, n'avait été jusque-là qu'un élément mineur et facultatif des commémorations royales. Mais un grand nombre de documents montrent comment le pouvoir royal s'en est emparé pour accroître son emprise sur l'Église catholique. Des lettres officielles étaient adressées aux évêques pour les informer d'une victoire du roi, leur enjoignant d'en rendre grâce dans leur diocèse. Les évêques transmettaient le message en rédigeant des mandements, c'est-à-dire des textes destinés aux paroissiens de leur diocèse pour répercuter l'événement et invitant les fidèles à se joindre à l'action de grâce de l'Église et éventuellement ses prières pour la santé du roi ou le retour de la paix. C'est ainsi que fut mis en place, dès la fin du XVIe siècle, un système d'information politique fondé sur la collaboration entre le monarque et l'Église pour produire une liturgie qui devait tenir compte de trois éléments. Le lien entre l'événement et l'intervention divine, la volonté du roi d'en annoncer la nouvelle, son ordre de le faire célébrer. Après 1662, lorsque Louis XIV imposa son pouvoir absolu, le Te Deum devint un mode de célébration autonome, dont les fonctions initiales d'acclamation puis de proclamation furent supplantées par la célébration de la majesté royale. Parce qu'il place Dieu comme seul horizon du pouvoir souverain, le Te Deum apparaît sous le règne personnel de Louis XIV comme la cérémonie de la souveraineté en acte, susceptible d'exprimer l'essence même du pouvoir absolu de droit divin.